بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons, c'est le troisième cours de la traduction du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam, un livre de Sheikh al-Bassam, Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala, qui explique le livre Umdat al-Ahkam, qui est un livre de l'imam ou al-Hafid Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah. La semaine dernière, on avait expliqué le troisième et le quatrième hadith de Umdat al-Ahkam. Et comme pour habitude, avant de commencer le nouveau cours, je demande à l'un d'entre vous ou à certains d'entre vous de réciter par cœur, bien sûr, les hadiths que l'on a expliqués la semaine dernière. Le troisième hadith, qui peut le réciter ? Fadalah. Ahsan, ça c'était le hadith le plus court. Je pensais que beaucoup de mains allaient se lever. Malheureusement, il n'y en a pas une seule qui s'est levée. Et le quatrième hadith, qui est bien sûr beaucoup plus long que celui qui vient d'être cité, qui se porte volontaire. Sandin. وإذا استيقظ أحدكم فليغسل من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. وفي اللفظ المسلم فليستنشق من خليه من الماء. نعم. وفي لفظ المسلم ومن وفي لفظ يعني في الخامس وفي لفظ المسلم والثاني وفي لفظ نعم توضأ فليستنشق. أحسنت بارك الله فيك. طيب نكونتينيو للخامس حديث الحديث الخامس يقول المؤلف الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. Qu'est-ce que vous avez dans ceux qui ont une autre tabra que cela? ثم يغتسل فيه. Même dans la tienne. منه. طيب. رواه البخاري ومسلم ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. Donc selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous n'urine pas dans une eau stagnante qui ne coule pas, puis se lave de celle-ci. رواه البخاري ومسلم, et dans une version de Muslim, que l'un d'entre vous ne se lave pas dans une eau stagnante alors qu'il est en état de grande impureté. قال الشيخ البسام رحمه الله غريب الحديث أولا لا يبولن لا ناهية والفعل مجزوم المحل بها وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. ثانيا الذي لا يجري تفسير للدائم وهو المستقر في مكانه كالغدران في البرية أو الموارد. ثالثا ثم يغتسل منه برفع الفعل على المشهور والجملة خبر والمبتدأ تقديره هو يغتسل منه وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم عطفا على لا يبولن. رابعا لا يغتسل مجزوما مجزوم لفظا بلا الناهية. خامسا وهو جنب الجملة في موضع نصب على الحال. Donc Cheikh Al-Bassam rahimahullah explique les termes qui méritent explication dans le hadith. Premièrement, la yaboulan, que ne pas uriner. La yaboulan. Et là, ici, c'est un pronom qui signifie la négation. Et normalement, les verbes qui sont suivis par la, tout d'abord, ça peut être que quel verbe? Pour ceux qui connaissent un peu la grammaire. La ne peut être suivi que d'un fi'l mudari. D'un fi'l mudari. Et normalement, la tujzim ul fi'l. C'est-à-dire que le verbe qui suit la doit avoir une un sukun à la fin. Mais ici, vu qu'il est suivi par nun at-tawkid al-thaqila, la yaboulanna. Et ici, le nun avec la shadda vient ici pour montrer et pour appuyer l'interdiction. Et c'est pour cela que al-sukun n'apparaît pas. Thaniyan alladhi la yajri, c'est-à-dire qui ne coule pas. Ici, c'est une explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique le terme eau stagnante. Que l'un d'entre vous n'urine pas dans une eau stagnante. Qu'est-ce qu'une eau stagnante? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alladhi la yajri. C'est l'eau qui ne coule pas. C'est l'eau qui ne coule pas, c'est-à-dire une eau qui stagne dans un endroit bien précis, comme les étangs, comme les mares, comme les bassins, etc., etc. ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ, puis qu'il se lave de celui-ci. À Kulihan, sur l'explication de ce hadith, ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ, il y a plusieurs versions de ce hadith, ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ, ou bien ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ, et on peut aussi dire ثُمَّ يَغْتَسِلْ مِنْهُ, ثُمَّ يَغْتَسِلَ مِنْهُ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ, en fonction de la voyelle que tu mets dans le verbe يَغْتَسِلْ, eh bien, tu peux déduire beaucoup de choses dans le hadith. À Kulihal, ce serait trop compliqué à vous expliquer cela. Mais inshallah, on verra cela dans des cours futurs. Et l'auteur considère que ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ, c'est-à-dire puis qu'il se lave dessus, ou puis qu'il se lave de cette eau, retourne à l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir qu'il y a une relation entre l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas uriner et l'interdiction de se laver. Et l'interdiction de se laver. ثم يقول المؤلف المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستسقي منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها لأن هذه الفضلات القدرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكره ولا ويوسخه على غيره بل يتناول منه تناولا وإذا كان المغتسل جنبا فالنهي أشد فإن كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث وضرر الغير. Ensuite, الشيخ البسام رحمه الله explique dans son habitude et donne le sens général du hadith. Il dit le sens général du hadith. le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans une eau stagnante qui ne coule pas, comme Al-Khazanat. Al-Khazanat, ce sont les endroits dans lesquels l'eau est stockée, ce qui est connu à notre époque par les châteaux d'eau. Par les châteaux d'eau, et ceci, quelle que soit sa structure, que sa structure soit en béton, en bois ou en toute autre structure, à partir du moment où l'eau ne coule pas et que cet endroit est utilisé pour conserver et pour stocker l'eau, il est interdit d'uriner dans cette eau. والصهاريج. الصهاريج, ce sont des sortes de bassins, صهاريج, c'est le pluriel de صهاريج, qui est une forme de bassin qui récupère l'eau en général issue des montagnes. والغدران في الفلوات. الغدران, ce sont les étangs et les marais dans les plaines. والموارد التي يستسقي منها الناس, ou tout autre endroit qui contiennent de l'eau et que les gens viennent puiser. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans une eau stagnante afin de ne pas la salir et afin de ne pas afin que les gens ne répugnent pas cette eau, car si c'est un endroit que les gens ont l'habitude, où les gens ont l'habitude de puiser de l'eau ou d'utiliser cette eau pour laver leurs vêtements ou autre, s'ils voient une personne uriner dans cet endroit, est-ce que cela va les tout d'abord va les fâcher, et cela va faire en sorte qu'ils vont détester utiliser cette eau une nouvelle fois. Mais ce n'est pas la seule raison. Et Cheikh Al-Bassam dit « لأن هذه الفضلات » et également car ces impuretés sont souvent la cause de la propagation de maladies parfois dangereuses. Et le professeur Asselem a également interdit de se laver dans une eau stagnante. Il a interdit de se laver dans une eau stagnante, c'est-à-dire d'introduire l'ensemble de son corps ou bien une partie de son corps. Cela est interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également ceci pour ne pas salir cette eau et pour ne pas que cette eau soit répugnée des gens. Mais celui qui veut se laver d'un endroit ou d'une eau stagnante, qu'il prenne de cette eau, c'est-à-dire qu'il utilise un récipient dans lequel il prend l'eau, puis se lave en dehors de cet endroit ou de ce bassin. وَإِذَا كَانَ الْمُغْتَسِلُ جُنُبًا فَالنَّهْيُ أَشَدُّ. Donc il est interdit de se laver dans une eau stagnante, quelle que soit la raison, que tu te laves pour te rafraîchir, ou que tu te laves uniquement pour te laver, et si tu te laves parce que tu es en état de grande impureté, alors l'interdiction est d'autant plus prononcée. Pourquoi l'interdiction est d'autant plus prononcée? D'où est-ce qu'on retient cette faïda? D'où est-ce qu'on déduit cela? نعم dans la version de Muslim où le professeur Hassan a dit لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب, que l'un d'entre vous ne se lave pas dans une eau stagnante alors qu'il est en état de grande impureté. Et dans le premier hadith, la version de Bukhari et de Muslim, le professeur Hassan a dit ولا يغتسل منه, et de ne pas se laver de cette eau, ou dans une autre version, dans cette eau. Et dans le premier hadith, le professeur Salam parle du fait de se laver sans préciser la raison. D'accord? Et dans la version de Muslim, le professeur Salam interdit de se laver en état de grande impureté. Et les savants déduisent qu'il est interdit dans tous les cas de se laver, et que celui qui se lave dans le but d'enlever un état de grande impureté, alors l'interdiction est encore plus grande. Puis l'auteur dit, فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ جَالِيًا, et si l'eau coule, si l'eau coule ou ruisselle, alors il n'y a pas de mal à se laver dans cette eau et à uriner dans celle-ci, même si ce qu'il y a de mieux, c'est de s'abstenir d'uriner dans celle-ci, car tout d'abord, il n'y a pas de bénéfice à faire cela, et deuxièmement, de peur de tacher cette eau et de porter atteinte aux autres. Comment porter atteinte aux autres lorsque tu urines dans une eau qui coule et qui ruisselle? Non? Le courant, au contraire, quand tu urines l'eau, une rivière ou un torrent, l'eau, elle est renouvelée, elle est constamment. Voilà, Ahsan. Lorsqu'il y a une personne un peu plus loin, qui par exemple boit de cette eau, et elle peut, au moment où elle boit, elle peut arriver à l'endroit où toi tu as uriné, ou dans l'endroit que tu as sali. Donc pour cela qu'il n'y a pas de bénéfice à uriner dans un ruisseau. Il faut donc s'en abstenir, même si en termes de jugement, islamiquement parlant, il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a rien qui l'interdit, donc c'est autorisé, mais bien sûr, le mieux est de s'en abstenir. ثم قال المؤلف اختلاف العلماء لا divergence des savants. اختلف العلماء هل النهي بالتحريم أو الكراهية؟ فذهب المالكية إلى أنه مكروه وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء. Donc les savants ont divergé sur le jugement d'uriner et de se laver dans une eau stagnante. Al-Malikiyya sont de l'avis que cela est détestable. Et Al-Hanabila et Al-Zahiriyya. Al-Zahiriyya, qui est aussi une école juridique, dont yani, la personne la plus importante est l'imam Ibn Hazm Al-Andalusi, rahimahullah ta'ala, qui sont connus ou appelés Al-Zahiri, Al-Zahiriyun ou Al-Zahiriyya. Ce sont, c'est une école juridique qui ne prend que ce qui apparaît du hadith. Ils ne prennent que ce qui apparaît du hadith en délaissant toute interprétation. Par exemple, dans ce hadith, « La yabulanna ahadukum fil ma'i ar-rakib » il dit, le prophète a interdit, a dit ne pas uriner et ne pas se laver, donc cela veut dire l'interdiction. Et c'est également l'avis de Al-Hanabila, c'est-à-dire les partisans ou ceux qui suivent l'école des Hanbalites, qui à sa tête se trouve l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Et d'autres savants ont différencié entre la quantité de l'eau, lorsqu'il y a une grande quantité, alors cela est détestable, et lorsqu'il y a une petite quantité, alors cela est interdit. Pourquoi est-ce qu'ils ont différencié? Non. On peut parler aussi de l'urine dans une grande surface. Non. Ça va. Ça va pas, ça va tout le temps. Parce que lorsque tu urines dans une eau en grande quantité, tu auras moins de chances de la salir et de la souiller que si l'eau était en moindre quantité. Et Cheikh Al-Bassam dit, et ce qui apparaît du hadith, c'est l'interdiction que l'eau soit en petite quantité ou en grande quantité. Mais il y a à cela une seule exception, c'est ce qui est appelé chez les savants bilmiyah al-mustabhira. Al-miyah al-mustabhira, ce sont des eaux qui sont en grande quantité, presque comparables à des océans et à des mers. Quand tu vois un immense lac dont tu ne vois presque pas les limites, tellement il est grand, que cela a le jugement de la mer et de l'eau qui coule. Et ceci, comme l'a dit Cheikh al-Bassam, وَهَذَا بِالتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ, et ceci, les savants sont d'accord sur ce point, à savoir que ne sont pas concernés les eaux de très grande contenance et de très grande capacité. Pourquoi ? Car même si une personne urine, même si 10 personnes urinent, cela n'aurait pas d'influence sur cette eau-là. Et lorsque l'on parle de l'interdiction, on parle à la fois de se laver et d'uriner. À la fois de se laver et d'uriner. واختلفوا في الماء الذي بيل فيه هل هو باق على طهوريته أو تنجس. Et les savants ont divergé sur l'eau dans laquelle l'on a uriné. Est-ce que l'eau reste pure ou est-ce qu'elle devient impure? فإن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا. Donc il y a une divergence des savants sur une eau stagnante dans laquelle on a uriné. Est-ce que cette eau est pure ou est-ce qu'elle est impure? Tout d'abord, si cette eau a changé par cette impureté qui est l'urine, alors il y a l'unanimité des savants sur le fait que cette eau est impure, et qu'elle soit en petite ou en grande quantité. Cela est pareil. Et lorsque l'on dit qu'une eau change, c'est-à-dire que soit sa couleur change, soit son odeur change, ou soit son goût change. Si l'une de ces trois caractéristiques est modifiée par une impureté, alors cette eau devient impure, qu'elle soit en petite ou en grande quantité. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ بِالنَّجَاسَةِ وَهُوَ كَثِيرٌ فَالْإِجْمَاعُ أَيْضًا عَلَى طُهُورِيَّتِهِ. Et à l'opposé, si l'eau ne change pas ou n'est pas influencée par cette impureté et qu'elle est en grande quantité, alors il y a également l'unanimité des savants sur le caractère pur de cette eau. Il y a alors l'unanimité des savants sur le caractère pur des savants. Donc là, c'est lorsque l'eau n'a pas changé et lorsqu'elle est en grande quantité. Donc il faut bien saisir les deux aspects. Parce que lorsque l'eau n'a pas changé, mais qu'elle est en petite quantité, là il y a une divergence des savants. Donc l'unanimité a lieu lorsque l'eau est en grande quantité. وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا غَيْرَ مُتَغَيْرٍ بِالنَّجَاسَةِ فَذَهَبَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيِّ وابن المسيب أو المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه. وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على من قال إنه نجس. Et si l'eau est en petite quantité et que malgré sa petite quantité, cette eau n'a pas été modifiée par une impureté, alors Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas, Al-Hassan al-Basri, Ibn al-Musayyib, Al-Thawri, Dawood, et Malik et Al-Bukhari considèrent qu'elle n'est pas impure. Tous ces savants et ses compagnons, radiallahu anhum, considèrent que à partir du moment où l'eau ne change pas, qu'elle soit en petite quantité ou en grande, eh bien, elle reste pure. وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا مستدلين بأدلة منها حديث الباب وكلها يمكن ردها واستدل الأولون بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه الماء طهور لا ينجسه شيء وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي لتكريهه على السقاة والواردين لا لتنجيسه. Et Abdullah ibn Umar, Mujahid, Al-Hanafiya, Al-Shafi'iya et Al-Hanabila, eux considèrent que cette eau, à partir du moment où elle est en petite quantité, qu'elle devient impure au moment où elle est mélangée à l'impureté et même si elle n'a pas été modifiée. Et ils utilisent comme preuve le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu que l'on explique maintenant. Et l'auteur dit وَكُلُّهَا يُمْكِنُ رَدُّهَا. Et tous les hadiths qu'ils ont utilisés comme preuve, il est possible de répondre à ces hadiths. Et les premiers, c'est-à-dire ceux qui disent que l'eau reste pure, ont beaucoup de preuves. Parmi ces preuves, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, qui est un hadith authentique, الْمَاءُ طَهُورُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٍ. Que l'eau est pure, rien ne la rend impure. L'eau est pure, rien ne la rend impure. On avait déjà expliqué ce hadith, à savoir que l'eau est pure, rien ne la rend impure tant qu'elle n'a pas été modifiée. Tant qu'elle n'a pas été modifiée. Et ceux qui considèrent que l'eau en petite quantité, lorsqu'elle est mélangée à de l'impureté, et que l'eau n'est pas modifiée, ils répondent au hadith d'Abu Huraira que l'on explique actuellement. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se laver dans cette eau, non pas parce qu'elle est impure, mais pourquoi ? Mais pour ne pas faire répugner les gens, pour ne pas que cette eau soit répugnée des gens. Donc ils ont dit que la cause pour laquelle le prophète sallam a interdit de se laver dans une eau stagnante, eh bien c'est le fait de ne pas faire en sorte que cette eau soit répugnée des gens. Car une personne qui se lave dans un étang ou dans un bassin, est-ce qu'il va salir cette eau? Une personne qui n'a pas d'impureté sur soi, qui rentre dans l'eau et qui en sort, est-ce qu'il va l'attacher d'impureté alors qu'il n'en a pas? Oui ou non? Non. Donc pourquoi le professeur Hassan nous interdit de nous laver dans une eau stagnante? Voilà, pour ne pas que les gens voient, disent, alors regarde, il se lave dans l'eau alors qu'on l'utilise pour donner à boire, ou peut-être qu'on l'utilise pour boire, ou on l'utilise pour laver nos vêtements, etc., etc. والحق ما ذهب إليه الأولون فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة قل الماء أو كثر وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. L'auteur dit, et la vérité est l'avis qu'ont suivi les premiers, à savoir que l'eau, à partir du moment où elle n'est pas modifiée, même si elle est en petite quantité, qu'elle ne devient pas impure. Car il dit, فَإِنَّ مَدَارَ التَّنَجُسْكَ, on parle d'impureté lorsque l'eau est modifiée, soit son goût, soit sa couleur, ou soit son odeur. Et c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyata, rahimahullah ta'ala. وَمِنْ هَذَا نَعْلَمُ أَنَّ الرَّاجِحَ أَيْضًا طَهُورِيَّةَ الْمَاءَ الْمُغْتَسَلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَإِنْ قَلَّ خلافا للمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلا. Après avoir vu cela, nous savons également que l'avis le plus sûr, c'est que celui qui se lave dans une eau stagnante, il a fait un péché ou pas? Il a fait un péché ou pas? Celui qui se lave dans une eau stagnante. Si vous dites non, c'est que vous avez rien compris ce que j'ai dit. Le professeur Salam a dit de ne pas se laver sur une eau stagnante. Donc, une personne qui se lave dans une eau stagnante, est-ce qu'il a fait un péché ou pas? Oui, il a fait un péché. Mais malgré avoir fait ce péché, est-ce que son rusul est valide ou pas? Est-ce que son rusul est valide ou pas? Tout dépend de l'avis des savants. Mais comme on a vu, l'avis le plus sûr est que, à partir du moment où l'eau n'est pas modifiée par une impureté, même si elle est en petite quantité, qu'elle reste pure. Donc, que celui qui se lave dans une eau stagnante, malgré qu'il ait fait un péché, son rousse, c'est-à-dire que l'eau qu'il va utiliser, va le purifier, et que son rousse sera valide et qu'il pourra faire sa prière par la suite. C'est clair ou pas? Il y a des zones d'ombre? Non. Non. Est-ce que par rapport à ça, on peut dire que il commet pas un péché si on le prend? Tout à fait. Selon l'avis des savants, une personne qui se lave dans une eau stagnante, selon l'avis des savants, soit il a fait quelque chose de détestable, soit il a fait quelque chose de d'interdit. Mais on a vu que l'auteur, lui, part du principe que le hadith montre et prouve l'interdiction. Et c'est la règle, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de faire une chose, on en déduit l'interdiction jusqu'à la preuve du contraire, ou sauf s'il y a un autre hadith qui vient changer ce jugement de l'interdiction au fait que ce soit détestable. Non, c'est clair ? ما يؤخذ من الحديث سكون غتيان دو حديث أولا النهي عن التبول في الماء الذي لا يجري وتحريمه وأولى بالتحريم التغوط سواء أكان قليلا أم كثيرا دون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقات بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, c'est l'interdiction d'uriner dans une eau stagnante. Et, plus interdit encore, de faire ses besoins dans celle-ci. Plus interdit encore de faire les besoins dans celle-ci, et ceci que l'eau soit en grande quantité ou bien en petite quantité. دون المياه المستبحرة. Et bien sûr, exception à la règle, ce sont les eaux de très grande contenance qui sont comparables à des mers ou à des océans. Car l'eau ne devient pas impure lorsqu'elle est mélangée à cette impureté, et il est autorisé d'utiliser cette eau dans plusieurs aspects. ثانيا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه كما في رواية مسلم والمشروع أن يتناول منه تناولا. Deuxièmement, on en déduit du hadith l'interdiction de se laver dans une eau stagnante en plongeant dans celle-ci, en introduisant ou son corps dans celle-ci. Surtout lorsque la personne est en état d'impureté, et ceci même s'il n'a pas uriné dans cette eau. Comme cela est rapporté dans la version de Muslim. Donc il est interdit de se laver dans une eau stagnante, que tu aies uriné dedans ou pas. Et le fait qu'il est interdit de se laver de cette eau ou dans cette eau que tu aies uriné ou pas, c'est la version de Muslim où le professeur Sam a dit ne vous lavez pas dans une eau stagnante alors que vous êtes en état d'impureté. Mais ce qui est légiféré, c'est de prendre de cette eau. Ce qui est légiféré, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, de prendre un récipient, de prendre cette eau à l'aide d'un récipient et de se laver avec celle-ci. ثالثا جواز ذلك في الماء الجاري والأحسن اجتنابه جواز ذلك في الماء الجاري والأحسن اجتنابه c'est-à-dire qu'il est autorisé, que cela est autorisé. Qu'est-ce qui est autorisé? de se laver et d'uriner. Que cela est autorisé dans une eau qui coule ou dans une eau qui ruisselle, mais le mieux est de s'en abstenir. Mais le mieux est de s'en abstenir pour la raison que l'on a citée tout à l'heure. Rabi'an, an-nahy 'an kulli shay'in min sha'nihi al-adha wa al-i'tida. On en déduit également, l'interdiction de toute chose qui fait du mal et qui porte atteinte. Qui fait du mal et qui porte atteinte. Comment est-ce que l'on comprend ce hadith? D'où l'auteur a puisé ce que l'on retient de ce hadith? Naam, car la raison pour laquelle le professeur sallam a dit cela, c'est pour ne pas porter atteinte aux gens. Et donc, de ne pas porter atteinte aux gens est quelque chose de demandé et d'obligatoire, non pas seulement dans ce cas-là, mais dans tous les cas et de façon générale. Donc, toute chose qui fait du mal ou qui porte atteinte aux gens, eh bien, l'islam vient nous l'interdire. خامسا جاء في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه ومعناهما مختلفان إذ إن في ظرفية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه ومن للتبعيض فتفيد معنى التناول منه وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط ورواية منه بعكس ذلك. Puis l'auteur dit qu'il y a deux versions de ce hadith. Il y a une version où le professeur Hassan a dit, c'est celle que l'on a citée, ثم يغتسل منه, puis qu'il se lave de celle-ci. Et il y a l'autre version, ثم يغتسل فيه, puis qu'il se lave dans celle-ci. Et en fonction des versions, le sens diffère. ثم يغتسل فيه, puis qu'il se lave dans celle-ci, ça veut dire qu'il baigne et qu'il plonge dans le bassin et qu'il introduit son corps dans ce bassin. Donc il rentre dedans. Cela est interdit. Et l'autre version, puis qu'il se lave de celle-ci, c'est-à-dire qu'il utilise cette eau pour se laver. Et on a dit quoi sur l'utilisation de l'eau pour se laver? Que c'était autorisé. Mais le professeur sallam, dans la version ثم يغتسل منه, est-ce qu'il le dit dans le sens d'autoriser ou d'interdire? Que l'un d'entre vous n'urine pas dans une eau stagnante qui ne coule pas, puis qu'il se lave de celle-ci. Yani, ça veut dire comment. Le professeur Sam veut dire non, par là, comment une personne peut-elle uriner dans une eau et ensuite se laver de celle-ci ou utiliser cette eau pour se laver? Et cela n'est pas logique et cela est réprimandable. Comme a dit le professeur Hassan dans un autre hadith, « La yajlidu ahadukum imraatahu jalda al-abid thumma yadtaji'uha » Et que l'un d'entre vous ne frappe pas sa femme comme on frappe un esclave, puis qu'il couche avec elle. Il la frappe et le soir, il couche avec elle. C'est pas logique. C'est logique ou pas? Non. Donc, le prophète Sam, s'il a dit cela, c'est pour montrer que cela n'est pas bon et que cela ne doit pas être fait. Mais comment comprendre la parole de l'auteur qui dit que ce qui est légiféré, c'est d'utiliser cette eau pour se laver. Sans avoir uriné dedans. Donc il est autorisé d'utiliser, c'est-à-dire de prendre de l'eau d'un bassin stagnant dans lequel on n'a pas uriné. Par contre, si tu as uriné dans cette eau stagnante, tu n'as pas le droit ni de rentrer dedans, ni d'utiliser cette eau à travers ou grâce à un récipient. C'est clair ou pas? Donc tu as le droit d'utiliser l'eau stagnante et de te laver avec celle-ci à travers un récipient, à condition que cette eau n'ait pas été souillée par par de l'urine, ou même si elle n'est pas souillée par de l'urine. À partir du moment où tu as uriné dans cette eau, il ne t'est pas permis de profiter de cette eau, ni en plongeant dedans, ni en prenant de celle-ci. Wallahu a'lam. الحديث السادس لسيزيام حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب رواه البخاري ومسلم وله أي لأبي هريرة وله يعني لمسلم في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب رواه مسلم. Donc selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit lorsqu'un chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave sept fois. Et dans la version de Muslim, la première avec de la terre. Et selon Muslim, d'après Abdullah ibn Mughaffal, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un chien, إذا ولغ الكلب, lorsqu'un chien lèche ou introduit sa langue ou le bout de sa langue dans un récipient, lavez-le sept fois et recouvrez-le de terre ou essuyez-le avec de la terre à la huitième reprise et essuyez-le avec de la terre à la huitième reprise. Rawahu Muslim dans son Sahih. Gharibul Hadith. Les termes qui méritent explication dans le Hadith. إذا ولغ الكلب أولا إذا ولغ الكلب ومضارعه يلغ بالفتح فيهما شرب بطرف لسانه وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب الشرب أخص من الولوغ. Premièrement, les termes qui méritent d'être expliqués, c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم إذا ولغ. Ida walara, qui signifie en arabe le fait de boire avec le bout de la langue. C'est le fait de rentrer sa langue dans l'eau ou dans tout autre liquide ou fluide. Dans tout autre liquide ou fluide. Ma'ir, c'est tout ce qui est liquide. Fayuharrikuhu walaw lam yashrab. Et de bouger la langue dans ce liquide, même s'il ne boit pas. فَشُرْبُ أَخَصُّ مِنَ الْوُلُورِ. Donc le fait de boire est plus précis que de faire الْوُلُورِ, qui est le fait de lécher ou d'introduire sa langue. Et le prophète صلى الله عليه وسلم parle de الْوُلُورِ lorsque le chien introduit sa langue dans un récipient d'eau, par exemple. Que ce chien ait bu ou n'ait pas bu, à partir du moment où il a introduit le bout de sa langue dans ce récipient et qu'il a bougé sa langue dans cette eau, eh bien, ou dans ce récipient, eh bien, il doit être lavé à cette reprise. عفرو التعفير التمرير في العفر وهو التراب. عفرو, ce que le prophète sallam a dit, essuyez-le avec de la terre, c'est-à-dire roulez-le dans de la terre. Et al-afr, c'est une terre qui n'est pas comme les autres, c'est une terre mélangée à de la poussière. Al-afru, en arabe, c'est une terre mélangée à de la poussière, c'est autrement dit une terre poussiéreuse. Une terre poussiéreuse. Oulahun ta'nith al-awwal wal-ha dhamir al-marrat wa ja'a fi ba'd al-riwayat أولهن بلفظ المذكر لأن تأثنيت المرة غير حقيقي. C'est-à-dire la première, c'est-à-dire la première des fois dans lequel l'on lave. Le prophète Saint m'a dit lavez-le sept fois, la première avec de la terre. أولاهن بالتراب. المعنى الإجمالي: لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه 7 مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها فتحصل النظافة التامة من نجاساته وضرره. Le sens général du hadith. Lorsque le chien, ou à partir du moment où le chien est considéré comme des animaux répugnants, qui transportent beaucoup d'impuretés et beaucoup de maladies, ou qui véhiculent beaucoup d'impuretés et beaucoup de maladies, الشارع الحكيم, Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, a légiféré le fait de laver les récipients léchés par cet animal à 7 reprises. Et la première fois, que le lavage soit accompagné de terre, afin que l'eau qui sera utilisée par la suite vienne après celle-ci, c'est-à-dire après la terre. Ainsi, ce récipient sera complètement propre et nettoyé de toute impureté et de toute maladie. اختلاف العلماء, la divergence des savants. هناك خلافات للعلماء في أشياء منها هل يجب التسبيع والتتريب, ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحة لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة. Il y a des divergences des savants sur beaucoup de sujets concernant ce hadith. Parmi les divergences, est-il obligatoire de laver à 7 reprises? Est-il obligatoire d'utiliser de la terre dans la première de ces fois? Et l'auteur dit, étant donné que la parole ou l'avis le plus sûr est celui que l'on déduit directement de ce hadith authentique et qui est à la fois authentique et clair. Le hadith est à la fois authentique et clair. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque un chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave à 7 fois, la première avec de la terre. Le hadith est authentique et clair à la fois. Et à partir du moment où les autres avis qui ont été cités par les savants ne sont pas basés sur des hadiths authentiques et clairs, et ce sont beaucoup d'ijtihad, c'est-à-dire d'efforts de la part des savants, l'auteur a préféré ne pas citer toutes ces divergences. ما يؤخذ من الحديث, ce que l'on déduit du hadith. أولا التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذراته, ولذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله. Premièrement, ce que l'on déduit de ce hadith, c'est l'accentuation dans le caractère impur du chien. Et ceci car il est sale, très sale, et il salit même si il ne laisse pas de traces de souillure, et ceci sera expliqué plus tard, inshallah. Deuxièmement, إن ولوغ الكلب في الإناء ومثله الأكل ينجس الإناء وينجس ما فضل منه. On en déduit du hadith que lorsqu'un chien lèche ou introduit sa langue ou le bout de sa langue dans un récipient, et de surcroît lorsqu'un chien mange dans un récipient, alors il salit celui-ci, c'est-à-dire que ce récipient devient impur et également devient impur ce qu'il reste dans ce récipient. Donc si le chien introduit sa langue dans un récipient d'eau, eh bien le récipient et l'eau qu'il reste sont impurs et on peut dire la même chose d'un récipient contenant de la nourriture. Thalithan, wujub ghasl ma walagha fihi sab'a marrat. Troisièmement, on en déduit de ce hadith l'obligation de laver les récipients léchés par le chien, et ceci à 7 reprises. Et ceci à 7 reprises. Et c'est là où on voit la faiblesse de la langue française par rapport à la langue arabe. Parce que quand je traduis lécher, c'est pas réellement lécher. Et comme on a vu, al-wulur, c'est le fait d'introduire le bout de sa langue dans le récipient, d'eau ou autre, que l'on boit ou que l'on ne boit pas. Et en arabe, il y a aussi le terme lahasa. Lahasa, qui veut dire réellement lécher. C'est-à-dire un chien qui passe sa langue sur un récipient vide. En arabe, on dit pas walara, mais on dit lahasa. C'est pour ça que parmi la sunna, après avoir mangé, c'est de lécher ses doigts avant de nettoyer sa main. Et en français, je sais pas comment différencier un chien qui introduit sa langue dans un récipient contenant de l'eau et dans un récipient n'en contenant pas. Qui connaît? Soit la langue française est faible, soit on ne la connaît pas. Mais à mon avis, elle est plus faible. Wallah alam. Non? Renifler, non. Renifler, c'est le fait de d'aspirer, et on parle de narine quand on parle de renifler. On parle pas de langue. On renifle pas avec la langue. Mais là, vraiment, en arabe, on différencie lorsque le chien introduit uniquement la langue dans un récipient qui contient de l'eau ou de la nourriture. Donc ça pour vous montrer que la traduction qu'on donne, c'est toujours approximatif, et que la langue arabe, bien sûr, est beaucoup plus précise dans ce domaine. Rabi'an, wujub isti'mal at-turab marratan wal awla an yakuna ma'a al-awla liyati al-ma'a ba'daha aw liyati al-ma'a ba'daha wa takunuha hiya ath-thamina المشار إليها في الرواية الأخرى ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يأخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي. Quatrièmement, on en déduit l'obligation d'utiliser de la terre une seule fois. Wal-awla, et le mieux, c'est que la terre soit utilisée la première fois. Liyati al-ma'u ba'daha, afin que l'eau vienne par la suite. Donc tu prends de la terre, tu essuies le récipient, la totalité du récipient, car on va voir que l'auteur dit le fait de passer de la terre uniquement dans l'endroit léché par le chien, cela ne suffit pas. Il faut recouvrir l'ensemble du récipient par de la terre. Et ensuite, de laver cette fois, car l'eau viendra nettoyer ce récipient. Et c'est la 8e fois dont a fait allusion le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le second hadith que l'on a cité. Lorsque le chien lèche le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave 7 fois... Et yani, lavez-le 7 fois et essuyez-le avec de la terre à la 8e reprise. Et ici, l'auteur dit, le fait de commencer par de la terre et de laver 7 fois avec de l'eau, eh bien, la terre sera considérée comme la 8e fois. Avec le hal, il y a une divergence des savants à ce sujet, mais l'avis qu'a choisi l'auteur, c'est celui-ci, à savoir de commencer par la terre, car il y a d'autres versions. Ihdahun nabit torab. Lavez-le 7 fois, et l'une d'entre elles avec de la terre. Et d'autres versions, akhiruhun nabit torab. La dernière avec de la terre. Avec le hal, il y a plusieurs versions de ce hadith, mais l'avis qu'a choisi l'auteur, c'est le fait de commencer par la terre et ensuite de faire suivre avec l'eau. Et il n'y a pas de différence à utiliser de l'eau avec la terre, ou la terre avec de l'eau, ou de prendre la terre mélangée avec de l'eau, tout ceci est autorisé. Et quant au fait d'essuyer avec de la terre uniquement l'endroit léché par le chien, cela ne suffit pas. Il faut englober l'ensemble du récipient. Khamisan, inna maqama al-turab min al-munaqiyat yu'ti hukmahu fi dhalik. لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة وهو مذهب أحمد وقول للشافعي والمشهور في مذهبه تعيين التراب. Cinquièmement, ce qui a la même place ou ce qui a les mêmes vertus que la terre dans le sens de nettoyer, eh bien, il a le même jugement. Car le but n'est pas la terre, mais le but est de nettoyer. Et c'est l'avis de l'imam Ahmed. Et là, je crois que vous avez « wa qawlu shafi'i » dans votre version, dans votre tabara. Et les autres ont « wa qawlu li shafi'i ». C'est ça ? Vous avez quoi ?« wa qawlu shafi'i ». Hein? Il n'y a pas waqawlun lishafi'i. J'ai une autre version, moi, une autre édition où il y a waqawlun lishafi'i et un avis ou une parole de shafi'i. À kulli hal, qawlu shafi'i ou qawlun lishafi'i, le sens est identique. Wal mashhur fi madhhabihi ta'yin at-turab. Donc c'est une des paroles de l'imam shafi'i, mais ce qui est connu dans l'école shafi'ite, c'est que l'on doit utiliser de la terre et rien d'autre. Donc, l'imam Ahmed est un avis et une parole de Shafi'i, c'est que tout ce qui a les mêmes vertus nettoyantes que la terre a le même jugement. Autrement dit, que tu as le droit de l'utiliser. Ici, on pourrait en déduire qu'il est autorisé d'utiliser du savon. D'utiliser du savon. Et d'autres savants ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de terre, on doit utiliser la terre. Wa qawwahu ibn Daqiq al-'Id bi anna at-turaba ja'a bihi an-nass wa huwa ahad al-mutahhirayn wa li anna al-ma'na al-mustanbat idha 'ada 'ala an-nass bil-ibtal fa huwa mardud. Et cet avis, c'est-à-dire l'avis que l'on doit utiliser la terre et rien d'autre, est un avis qu'a défendu Ibn Daqiq al-'Id, rahimahullah ta'ala, qui lui aussi a expliqué Umdat al-Ahkam dans son livre, qui le connaît ? Al-Ihkam. Al-Ihkam, Sharh Umdat al-Ahkam, qui fait partie des livres ou des explications de Amdat al-Ahkam les plus profitables, et yani, le niveau est tellement élevé qu'il n'est pas à la portée de tout le monde. Et tous ceux qui le lisent ne peuvent pas forcément tout comprendre, mais il faut avoir un niveau avancé en science pour pouvoir maîtriser ce livre. Et donc c'est l'avis qu'a soutenu Ibn Daqiq al-'Id rahimahullah, à savoir que la terre, il y a le hadith qui le cite expressément, et at-turab fait partie des moyens purificateurs. At-turab fait partie des deux moyens purificateurs, le premier qui est l'eau et le second qui est la terre. Et la terre, autrement dit, de faire un tayammum, est autorisée lorsque l'eau n'est pas présente, ou lorsque l'eau est présente mais qu'elle ne peut pas être utilisée. ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. Et là, il cite une autre preuve, rahimahullah, à savoir que le sens déduit. Qu'est-ce qui est ce sens déduit? Le sens déduit, lorsqu'il abroge une partie d'un texte, eh bien, il est rejeté. À savoir, le sens déduit, c'est-à-dire que la terre est utilisée pour nettoyer. Ce sens-là, c'est un sens qui est déduit. Le professeur Asselam a dit « Oulahunna bitturab » La première part de la terre. Est-ce que le professeur Asselam a dit pourquoi la terre ? Non. Donc, ceux qui disent que la terre, c'est pour nettoyer, c'est un avis qui est déduit. Et le fait de déduire cet avis et de dire que la terre, c'est pour nettoyer, donc tout ce qui nettoie, eh bien, il est autorisé également de l'utiliser, eh bien, cela minimise l'importance de la terre. Et c'est une des preuves qu'a utilisé Ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah, pour justement soutenir que c'est la terre qu'il faut utiliser et rien d'autre. قال النووي ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. Également, c'est l'avis de l'imam Nawawi rahimahullah qui, entre autres, n'autorise pas l'utilisation du savon à la place de la terre. قلت وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسات لا يحصل من غيره وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف. Et l'auteur dit, Cheikh Al-Bassam, et il apparaît dans des recherches ou dans des recherches scientifiques contemporaine, c'est-à-dire récente, que en utilisant la terre, l'on nettoie des impuretés que l'on ne peut pas nettoyer en utilisant autre que la terre. Et si cela est avéré vrai, eh bien, ce serait un des miracles de cette religion sainte. ولفظ عفروه يؤيد اختصاص التراب ولفظ عفروه يؤيد اختصاص التراب لأن العفر لغة وجه الأرض والتراب. Et le terme qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, عفروه, c'est-à-dire enroulez-le ou roulez-le dans la terre, et العفر, comme on l'a dit en arabe, cela signifie la surface de la terre ainsi que la terre. La surface de la terre, ainsi que la terre, et le fait que le professeur Hassan ait utilisé le terme afirouh, eh bien, cela vient appuyer le fait que c'est la terre qui doit être utilisée et rien d'autre. Sadisan, azamatu hadihi shari'ati mutahhara, wa annaha tanzilu min hakimin khabir, wa anna mu'addiyaha, salawatullahi wa salamuhu alayhi, lam yantiq anil hawa. وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ولم يشدد في التطهير منها حتى قال فريق من العلماء إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته حتى جاء الطب الحديث بانكشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده فسبحان العليم الخبير وهنيئا للموقنين وويلا للجاحدين. Sixièmement, on déduit de ce hadith l'immensité de cette religion pure, et que réellement c'est une religion qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très sage et le parfaitement connaisseur, et que celui qui l'a transmise, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne parle pas selon ses passions, et au point que certains savants se sont même abstenus ou n'ont pas su la réelle sagesse dans le fait de dans le fait d'avoir accentué le lavage des récipients souillé par un chien. Alors qu'il y a des choses qui sont plus sales encore que وَأَنَّهُ يُوجَدُ مَا هُوَ مِثْلُ وَهَغِلْضَةً, à savoir qu'il y a des choses qui sont encore plus impures, mais l'islam n'est pas venu يعني, forcer le lavage de cette façon. Il y a des choses qui sont plus impures, mais l'islam ne nous ordonne pas de le laver, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été questionné sur la femme qui marche en laissant traînant ses vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yutahiruhu ma ba'da, ce qu'il y a après le rendra pur ou le purifiera, alors qu'une femme qui marche en laissant traîner ses vêtements, elle peut passer sur des impuretés qui normalement devraient être lavées, qui mériteraient un lavage. Mais ici, l'islam est venu pour nous dire que non, c'est ce qu'elle traînera dans une autre terre qui sera pure, qui purifiera cette impureté. Et ici, le fait que le prophète sallam ait accentué sur le chien, et certains savants n'ont pas su réellement quelle était la sagesse. Au point même que certains savants ont dit que le fait de laver de cette façon, à savoir 7 fois et 1 fois avec de la terre, que cela est un acte purement adoratoire et que la raison n'est pas réellement connue. Jusqu'à ce que la médecine récente a découvert que la salive du chien comportait une grande quantité de microbes et des maladies dangereuses et des maladies transmissibles. La yuziluha al-ma' wahda. Des microbes et des maladies que l'eau toute seule ne peut pas enlever. Et ceci a été prouvé médicalement. Et Cheikh al-Bassam dit « Subhan al-alim ul-khabir » Gloire à l'omniscient, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal qui est savant de toutes choses. Et « Hani'an » comme on peut traduire, et félicitations à ceux qui sont persuadés de cette religion, et malheur à ceux qui la renient. « Sabi'an zahir al-hadith » أنه عام في جميع الكلاب أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل إن إيجاب الغسل على ما يحصل منه فيه حرج فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع بغيرها. Septièmement, l'on en déduit de ce hadith qu'il est général et global et qu'il englobe l'ensemble des chiens. Quant aux chiens que l'islam nous a autorisé de posséder, comme les chiens de chasse, les chiens de garde, les chiens bergers, il a été dit, c'est-à-dire certains savants disent que le fait de laver les récipients léchés par ces chiens apporterait une grande contrainte. Et de ce fait que le fait de laver 7 fois ne concerne pas ces 3 types de chiens que nous a autorisé l'islam d'avoir en notre possession. Et l'avis de l'auteur, c'est bien sûr que cela englobe l'ensemble des chiens. Mais certains savants ont dit, à partir du moment où l'islam nous autorise d'avoir des chiens de chasse, des chiens de garde et des chiens des chiens bergers, le fait de laver à chaque fois les récipients qu'ils utilisent 7 fois dont et la 8e ou la première avec de la terre, que cela serait contraignant pour les personnes qui possèdent des chiens, et donc à partir du moment où cela cause une grande contrainte, eh bien il n'est pas obligatoire de les laver à 7 reprises, et que ce hadith ne concerne pas ces 3 catégories de chiens. Wallahu a'lam. Wa naktafi bi hadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.